Ce matin, j'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Luc. Et je lirai dans le chapitre 10e, à partir du verset 25, un texte sans doute que vous avez lu, relu et que vous connaissez, et peut-être même pour ceux qui ne sont pas habitués à une vie d'église qui connaissent, parce qu'on a utilisé le nom de cet homme à bon escient dans tout un certain nombre de choses. Quand quelqu'un fait du bien, on dit ben, c'est un bon samaritain. Et c'est tiré bien sûr du texte de l'Écriture. Donc nous lisons à partir du verset 25 du chapitre 10e de l'évangile de Luc. « Et voici qu'un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ?» Qui lis-tu ? L'homme répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela, et tu vivras. Mais le docteur de la loi voulut se justifier, et dit à Jésus, et qui est mon prochain ? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un sacrificateur descendait par le même chemin. Il vit cet homme et passa outre. Un lévite arriva de même à cet endroit, il le vit et passa outre. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui, le vit. Il en eut compassion. Il s'approcha et banda ses plaies en versant de l'huile et du vin. Puis, il le plaça sur sa propre monture, le conduisit dans une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier en disant, « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. » Lequel de ces 3, reprit Jésus, te semble-t-il être le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands ? Le docteur de la loi répliqua, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? C'est la question qui est posé par cet homme, un docteur de la loi, donc un spécialiste des Écritures, donc quelqu'un qui avait appris depuis son tout jeune âge. D'ailleurs, il avait appris à lire même dans les textes de l'Écriture. Et il veut se faire une idée de qui est Jésus. Le texte nous dit qu'il s'approcha de Jésus pour l'éprouver. Le texte dit littéralement pour essayer de trouver une faille, c'est-à-dire pour essayer de mettre à défaut Jésus. Et il s'approche. Est-ce un piège pour considérer Jésus comme un hérétique, ce fils de charpentier qui, depuis tout un certain nombre de mois et d'années, est en train de ramasser des foules autour de lui avec un enseignement absolument spectaculaire. Et les gens se rassemblant autour de Jésus, bien sûr, se détournaient des sacrificateurs et des docteurs de la loi. Et il lui pose cette question. Que dois-je faire ? Vous remarquez tout de suite que pour ce théologien, le salut s'obtient en faisant quelque chose. Que dois-je faire ? Il faut faire quelque chose, mais quoi ? Il veut être sauvé, mais il veut l'être en faisant quelque chose. Combien c'est très humain de dire à Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu m'aimes ? Combien c'est tellement humain de dire aux autres, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu m'aimes ? Est-ce à quelque part justement que cet homme avait un énorme vide et qu'il avait besoin justement de rencontrer Dieu ? Et Jésus ne lui répond pas. C'est courant chez Jésus. On lui pose une question, mais il ne répond pas. Ou plutôt, il répond par 2 contre-questions à cet homme. Et la première de ces questions, c'est de dire, « Mais toi qui es docteur de la loi, base-toi sur les Écritures. Qu'est-ce qu'il est dit dans les Écritures ?» Jésus, dans sa maîtrise de la pédagogie, va complètement désorienter cet homme. Et le docteur de la loi est désarçonné. Et il va dire ce qu'il connaît de la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Bingo, ça y est, j'ai réussi. J'ai enfin dit ce que je voulais qu'il me dise. Et il connaît bien ça, la Bible. Parce qu'il va citer deux textes de l'Ancien Testament, dans le livre du Deutéronome et du Lévitique. Il sait résumer la loi. Il a d'ailleurs été formé pour cela. S'il avait vécu au XXIe siècle, ce serait sans doute quelqu'un dans une de nos églises évangéliques qui aurait été à toutes les réunions de prière, à toutes les études bibliques depuis 20-30 ans. Il connaît sa Bible. Mais il la connaît peut-être ici. Et le problème, c'est qu'on connaît beaucoup de choses là. Mais ça ne sert à rien que ça reste là. Il faut que ça descende de 30 cm, 20 cm, de 20 à 25 cm pour les uns ou pour les autres. Il faut que ça passe au niveau du cœur. Et effectivement, la loi exige que l'on aime Dieu. Et vous remarquez qu'il utilise toutes ces expressions de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, c'est-à-dire de la totalité de ce que nous sommes. On ne peut pas aimer Dieu à mi-temps. On l'aime. Et d'ailleurs, par retour, et nous le verrons plus tard, on ne peut pas aimer les autres à mi-temps. On les aime. J'aime pas ma femme simplement quand il fait beau. Ah chérie, aujourd'hui c'est magnifique, je t'aime. Et puis le lendemain, il y a une pluie terrible. Il vaut mieux pas se marier quand on est dans ce cas-là. Nous, on avait un jeune comme ça. Et nous avons dû lui conseiller, écoute, il vaut mieux que tu restes célibataire. Parce que tu vas te rendre malheureux, tu vas rendre malheureux la fille qu'il était en train de fréquenter. Parce que tout était sous impulsion. Aujourd'hui, il fait beau, ça va, alors je t'aime. Ben, le lendemain, je ne sais plus trop bien. Ce n'est pas comme ça qu'on construit. Et alors cet homme va être repoussé dans tous ses retranchements. D'ailleurs, il va même citer le texte du Shema Israël, de la confession de foi d'Israël, que nous trouvons dans le livre du Deutéronome, de cette confession de foi qui fait de Dieu l'unique, celui que nous devons aimer. Et le docteur de la loi y ajoute tout de suite le prochain. Presque pour dire à Jésus, mais attends, la loi, moi je la connais bien. Parce que bien sûr qu'il faut d'abord aimer Dieu, et puis ensuite l'autre. Et le seul problème, c'est qu'il ne sait pas où il s'engage, cet homme. Et Jésus lui donne la raison. C'est bien, tu as bien répondu. Ce que Jésus va lui dire, fais cela. On aurait pu arrêter notre texte ici. Luc aurait très bien pu finir là. Le seul problème, c'est que ce docteur de la loi, ou peut-être ce chrétien évangélique qui est membre d'une de nos églises depuis tant d'années, il veut quand même se justifier, parce qu'il y a toujours cette notion chez l'homme de faire, de gagner des galons. Vous savez, un petit peu comme les joueurs de foot, quand ils gagnent la Coupe du Monde, ils ont une étoile. Bon, nous, on en a eu une fois. Je ne sais pas dans combien de temps on en aura encore une. Est-ce le hasard? Est-ce... Je ne sais pas. Mais en tout cas, on la porte. Et puis tous ceux qui sont là après, ils la portent aussi. Le seul problème, c'est que cet homme ne s'est pas rendu compte que, effectivement, Jésus lui dit, tu as raison, tu as cité la loi. Mais il a oublié aussi que si l'on pèche contre un seul des plus petits commandements de la loi, c'est comme si tout était balayé. Et c'est ce que Jésus veut lui faire prendre conscience. Mais l'autre est en train d'aller sur le terrain de Jésus en disant, mais attends, je vais te montrer, mais... Et l'autre qui veut justifier dit, mais qui est mon prochain ? Aussi, il savait la question qu'il venait de poser. Et Jésus, c'est que cet homme n'a pas encore compris que la réponse de Jésus lui suffisait, qu'il fallait la mettre en pratique. Il veut faire. Et alors, la loi nous demande d'aimer tous les hommes. Ou plutôt, pas exactement cela. Parce que c'est impossible d'aimer tous les hommes, il faut être conscient. Mais la loi nous demande d'aimer notre prochain. Et notre prochain, il est où ? Oh, bien sûr, il est loin dans un certain nombre de pays, mais il est là à côté de nous. Et combien je trouve que trop souvent, nous avons tendance à nous déculpabiliser en aimant le prochain qui est loin. D'ailleurs, vous remarquez, un certain nombre d'ONG ou de campagnes contre la faim, on vous montre 2-3 photos d'enfants dans des situations dramatiques dans un certain nombre de pays, les gens donnent, et ça y est, j'ai ma conscience tranquille, j'ai aidé mon prochain. Non, t'as rien fait. T'as juste vidé ta conscience. Parce que le prochain, c'est celui qui est là, autour de moi. Et autour de moi, quelle souffrance. Caché, peut-être. que certains ne veulent pas s'avouer. Et c'est ce que Jésus veut faire prendre conscience à ce docteur de la loi. On ne peut pas aimer tous les hommes. Par contre, la loi de Dieu nous demande d'aimer mon prochain. Mais c'est peut-être là le problème. Parce que celui qui est tout à côté de moi, c'est peut-être celui justement qui n'est pas aimable. C'est peut-être le voisin qui, tous les matins, quand vous lui dites bonjour, ne répond rien. C'est peut-être le collègue de travail que vous supportez en face de vous depuis tant d'années et qui est en train de raconter toutes sortes de choses dégoûtantes et autres et je ne sais trop quoi. Et pourtant Dieu vous demande de l'aimer. C'est peut-être même le frère ou la sœur dans l'église qui a peut-être tendance à se mettre un petit peu en avant ou alors qui est un peu collant ou alors qui est celui ou celle qui, parce qu'il est un peu paumé, a besoin de toi. Qui est notre prochain? Et alors, c'est là que Jésus va retourner le piège. Ou plutôt, c'est là que cet homme de la loi va se prendre lui-même à son propre piège. Et gentiment, le piège se referme. Et Jésus va illustrer. Tu veux savoir qui est ton prochain? Je vais te le dire. Et Jésus raconte cette histoire de cet homme qui descend de Jérusalem jusqu'à Jéricho. Je ne sais pas si certains ont été en Israël. Nous, on a eu la chance de faire ce voyage. Et effectivement, quand vous allez de Jérusalem jusqu'à Jéricho, vous avez une pente, mais terrible, parce que vous vous retrouvez en dessous du niveau de la mer à Jéricho. Alors certains y ont vu l'éloignement de Dieu de Jérusalem pour descendre à Jéricho. Je n'irai pas jusque-là. Peu importe, il était là. Et c'est un endroit par lequel on passe. Il y a toutes sortes de rochers. C'est une route coupe-gorge. Et ce qui devait se passer, se passa. Il tombe entre les mains de brigands, il est dévalisé, il est laissé pour mort. Et puis, Jésus raconte cette histoire. D'abord, il y a ce sacrificateur qui, on ne sait pas si lui descend de Jérusalem à Jéricho ou s'il monte de Jéricho à Jérusalem. On sait simplement que le rôle des sacrificateurs, c'était d'avoir... tout le monde n'était pas au temple tout le temps en tant que sacrificateur. Il y avait un rôle, il y avait un roulement. Et cet homme, sans doute, soit remontait en direction de Jérusalem pour servir au temple, soit était allé servir au temple et redescendait chez lui en direction de Jéricho. Et le problème, c'est que ce prêtre voit cet homme couché, laissé pour mort. Mais c'est un homme de Dieu. Et on ne s'approche surtout pas d'un cadavre ou d'un blessé, parce que le sang pourrait nous souiller. Et le texte nous dit qu'il le vit. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'est pas passé, il n'a pas regardé les petits oiseaux à côté, il était là. Et le texte nous dit qu'il s'est détourné. Toujours, même en cas d'urgence, impossible d'approcher un blessé. Je risquerais de me souiller. Il prêche, mais il ne pratique pas. Et puis Jésus va un peu plus loin. Il y a ce Lévite qui était quelqu'un qui expliquait la loi, quelqu'un qui était chargé aussi de servir au temple. Et c'est la même chose. Et je trouve que ça doit être terrible quand au nom de la religion, on s'interdit l'amour. La loi. Et nous pouvons être des légalistes, les uns et les autres. Parce qu'on a notre conception de l'écriture. Et c'est comme ça que ça doit se passer. Et si quelqu'un fait autrement, ouh, danger! T'as rien compris? Faut que je t'explique. Parce que c'est moi qui ai la bonne manière d'interpréter l'écriture. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on a beaucoup de choses à apprendre. Et puis Jésus cite ensuite le troisième personnage. Celui qui va être le centre et qui va tout déclencher dans la vie de ce docteur de la loi qui est venu lui poser cette question. De ce Samaritain. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans le texte? Il fut ému de compassion. Le terme qui est utilisé ici dans l'original, c'est le même terme lorsque Jésus vit la foule qui était sans berger. Le texte nous dit que Jésus fut ému de compassion. Littéralement, c'est les entrailles de miséricorde là. Il en était malade de voir cet homme qui était blessé, laissé pour mort. Et ce Samaritain, mais attendez, Jésus ose parler d'un Samaritain? Alors pour nous, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose aujourd'hui. Mais un juif n'avait aucun lien avec un samaritain. Les samaritains, c'était des gens de deuxième ou troisième zone. C'était de ceux qui avaient des adorations un peu bizarres. Rappelez-vous, lorsque Jésus était avec la Samaritaine, quand elle dit, mais oui, il faut adorer. Ici, là-bas, à Jérusalem. Et c'est là que Jésus va lui donner la bonne définition de l'adoration. C'est celui qui adore en esprit, en vérité. Et Jésus ose dire à ce docteur de la loi, un Samaritain passant par là, mais qu'est-ce que tu as dit? Ça pourrait être peut-être aujourd'hui un taulard qui sort de prison. Ça pourrait être un drogué. Ça pourrait être quelqu'un qui a mené une mauvaise vie. Ça pourrait être toutes sortes de personnes que Jésus utiliserait aujourd'hui. Et cet homme s'approche, lui le mécréant, lui qui est considéré comme idolâtre par le docteur de la loi, et il se penche en direction du blessé. Et le texte est très beau dans la manière dont Jésus utilise. Il s'approche, il bande ses plaies, il utilise à la fois l'huile et le vin qui servait à la fois à se désaltérer, mais qui servait aussi à désinfecter avec l'alcool qui était à l'intérieur, et l'huile qui servait bien souvent à atténuer quelquefois la chaleur du soleil ou toutes sortes de choses. Il utilise à la fois l'huile pour soulager la douleur et le vin pour désinfecter les plaies. Il n'a pas honte de s'approcher de cet homme qui est là par terre et qui baigne dans son sang. Il aurait pu dire, bon ben ça y est, maintenant je t'ai soigné, écoute, je prie pour toi, voire même je t'impose les mains et puis je continue ma route. Peut-être que si nous avions été nous, là, chrétiens évangéliques, dans une église évangélique à Jérusalem depuis un certain temps, on aurait pu dire ça au gars. Écoute, maintenant lève-toi, vas-y, je t'ai soigné. Mais il va un pas de plus. Il prend cet homme, il le met sur sa monture et il le conduit dans une hôtellerie où le texte dit qu'il va prendre soin de lui. Moi, je pense qu'il a dû là passer sans doute une nuit blanche, ce Samaritain. Il a soigné cet homme. Et non seulement cela, sans doute ça devait être un homme qui avait des responsabilités, puisqu'il, en tout cas, il semblait avoir de l'argent, mais il dit à l'hôtelier, écoute, je te laisse 2 deniers, c'est-à-dire 60 jours de travail. Et quand je reviendrai, si tu as dépensé plus, je te le rendrai. Vous vous rendez compte la confiance qu'il a même dans l'hôtelier? Parce que pour lui, l'important, c'était cet homme-là. Il risquait gros, peut-être que l'hôtelier risquait de mettre l'argent dans la poche et puis de mettre l'autre dehors. Il fait confiance à l'autre. Et alors, la question arrive. Parce que si Jésus raconte cette histoire, c'est parce qu'il veut poser la question au docteur de la loi. Et il la pose. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? Lequel de ces trois? Vous vous rappelez la question de départ? Qui est mon prochain? Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé? Et alors, comme si ça lui avait écorché le ventre, le docteur de la loi dit, c'est celui qui a exercé la miséricorde. Vous remarquez qu'il n'ose même pas prononcer le mot « c'est le Samaritain ». Parce que s'il l'avait prononcé, ça voulait dire qu'il critiquait tout le système israélien, toute la loi. C'est un demi-païen, un demi-juif, quelqu'un qui vaut rien, qui s'est occupé du malade. Et il me semble que ce texte nous amène à un certain nombre de réflexions. D'abord, Jésus a affaire à quelqu'un, spécialiste de la loi, chargé d'enseigner, qui dit comment il faut se comporter avec les autres. Parce que c'était aussi ça les docteurs de la loi. Ils expliquaient, ils avaient un certain nombre de gens autour d'eux, ils leur disaient comment faire. Et il dit à cet homme que l'amour, ça ne se met pas en formule. Que l'amour, ça ne se met pas en loi. Que l'amour, ça se donne. Et Jésus va l'aborder sur son propre terrain, qui est le terrain de la loi. Et Jésus veut faire prendre conscience à cet homme qu'il faut sortir de nos ornières pour voir non pas la lettre, mais l'esprit de la lettre. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul le dira aux Corinthiens lorsqu'il leur dira même, mais vous êtes une lettre ouverte de Christ. C'est-à-dire que pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n'ont peut-être jamais lu l'Écriture, c'est toi et moi qui devons respirer, transpirer de l'amour de Jésus-Christ. La deuxième chose que Jésus veut lui faire prendre conscience, parce que cet homme, il n'est pas satisfait en fin de compte. Dans cette... Quelque part, il n'est pas satisfait de la loi. Et Jésus veut lui faire prendre conscience que c'est impossible d'aimer tout le monde, mais qu'il est tellement possible d'aimer mon prochain, celui qui est autour de moi, celui qui est à côté de moi. Et la leçon que Jésus veut donner est claire. C'est pas moi qui choisis mon prochain, c'est quasiment lui qui me choisit. C'est-à-dire que je dois considérer l'autre comme étant celui qui va m'interpeller par rapport à son besoin. Vous savez, nous vivons dans un monde de plus en plus où les gens s'enferment dans leur système. Il y a des gens qui meurent autour d'autres sans que les autres ne s'en rendent compte. Dernièrement, on avait entendu aux infos une dame qui était morte depuis 8 ans dans une maison dans le nord de la France. Et personne ne s'était rendu compte qu'elle était partie. Et on pourrait multiplier des exemples de gens qui, une fois qu'ils sont rentrés chez eux, c'est fini. Oh, j'ai ma télé pour être en contact avec les autres. Et quelquefois un grand écran. Je les vois. Je suis au courant de ce qui se passe dans le tiers-monde. Je sais qu'il y a des gens qui meurent de faim. Mais une fois que je suis chez moi, fichez-moi la paix. Est-ce qu'on n'est pas quelquefois comme ça avec le Seigneur ? Écoute, Seigneur, ne m'interpelle pas avec ça. Alors qu'il y a peut-être quelqu'un à côté de moi qui a besoin, un frère, une sœur, d'un sourire, d'un regard, d'une prière, d'un encouragement. Peut-être de nous sonner les cloches, parce que des fois, on en a besoin aussi. Mais on veut s'enfermer, parce qu'on a peur de l'autre. Et à quelque part, on a peur de celui qui n'est pas dans mon schéma. Ou alors on tombe dans l'autre extrême, c'est tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Et presque, je dirais, Inch'Allah, Dieu s'occupera de tout le monde. Alors que Dieu me demande, moi, de m'impliquer, à la fois dans ma vie sociale, dans mon église, dans mon ministère, mais avant tout dans ce que je suis, moi, comme chrétien. Le prochain, ça ne se programme pas sur des fiches. Alors, on a des amis qui travaillent en informatique, hein. Ça ne se décode pas informatiquement parlant. C'est peut-être mon fils qui a besoin que je lui parle. C'est peut-être ma femme à qui je devrais tenir compagnie un soir et je préfère peut-être, ou je suis tellement attiré pour me mettre devant Internet pour rechercher toutes sortes d'autres choses très intéressantes. Voire même peut-être de préparer une étude biblique sur Internet avec toutes sortes de versions bibliques que nous pouvons avoir. C'est peut-être l'ami pour lequel je dois éteindre la télé pour aller simplement être auprès de lui et rester là. Partager sa souffrance ou partager sa joie. C'est peut-être le mot d'encouragement, le coup de téléphone, qui va faire que tout d'un coup, celui à qui je vais m'adresser va être pleinement mon prochain. Parce que Dieu veut que nous puissions découvrir ceux qui sont autour de nous. Mais le problème, c'est que ce docteur de la loi, lui, il est légaliste et il ne veut rien laisser au hasard. Chez lui, tout est réglé d'avance. Il sait à l'avance qui est son prochain et qui ne l'est pas. Et surtout, le Samaritain n'est pas mon prochain. Et peut-être même dans un certain nombre de nos communautés religieuses, nous avons à nous humilier quand nous considérons un certain nombre d'autres frères et sœurs, pas pleinement, complètement des frères. Ça pourrait être des demi-frères ou des cousins. Et pourtant, c'est un frère ou c'est une sœur qui est aimé par le même père. Et c'est pour ça que nous devons vivre pleinement cette notion de l'amour du prochain et de ne pas nous laisser coincer par la loi. Le problème, c'est que pour le sacrificateur et le lévite, cet homme qui est blessé là au sol, il représente un danger pour eux. Vous imaginez si le sacrificateur s'était approché de cet homme, l'avait touché, il aurait été impur. Soit il n'aurait pas pu servir au temple s'il était monté pour cela, soit il aurait dû rester 8 jours dans l'impureté. Et ils avaient leur schéma tellement réglé. Et Jésus ne s'en prend pas à la loi en elle-même, mais il s'en prend à la loi qui a des exceptions. Vous savez, il y a une chose qui est formidable, et vous êtes un certain nombre d'amis étrangers, vous savez que la langue française, c'est la plus belle langue au monde, la plus facile à apprendre. Et moi, je me rappelle toujours, lorsque j'étudiais, il y avait un bon vieux bouquin qui existe, je crois qu'il existe encore, ça s'appelait le Bled. Et le Bled, c'était quoi? Il y avait la règle, bien sûr, toutes les exceptions à la règle, parce qu'en France, c'est comme ça, demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et puis ensuite, vous aviez les exercices qui vous appliquaient la règle qui était au-dessus. Une fois qu'on avait fini la page, on savait, en règle générale. Aujourd'hui, non, on n'apprend plus ce genre de choses. Et le problème, c'est que nous risquons, même dans notre conception du prochain, dans notre théologie, d'avoir nos schémas qui vont faire qu'on ne verra plus celui qui est là, avec sa richesse, qu'il peut m'apporter, mais que je peux aussi lui donner, avec ses besoins que je peux combler, mais il peut aussi combler mes besoins. Avec tout ce qu'il est ou tout ce qu'elle est, il y a des lois, surtout si elles sont rituelles, où il faut faire sauter de temps en temps la loi par rapport à l'amour. Aimer. Le bon samaritain, ce n'est pas un secouriste diplômé en quête de blessés à sauver. C'est un homme comme nous, qui avait ses projets comme nous, qui avait ses responsabilités comme nous, et qui s'est laissé interpeller par cet homme qui était blessé. Le samaritain avait lui aussi sa loi. Et sans doute que sa loi lui dictait aussi « t'approche pas des juifs ». Parce que tu sais, ils nous en ont fait voir pendant des décennies. Chez lui, la piété n'a pas tué la pitié. Et il s'est laissé interpeller. Il envoie promener sa loi, ses traditions, son agenda et toutes choses, parce qu'il y a là urgence. Il a un cœur qui ne bat pas sur commande, mais qui sait battre librement et inventer. L'amour agit, mais agit tout de suite. Il aurait très bien pu s'approcher de ce blessé en disant « Écoute, ne bouge pas, je reviens, je vais chercher le médecin dans le village suivant. » Il aurait très bien pu lui dire « Mais écoute, si t'es tombé là entre les mains des brigands, tu te promènes pas tout seul avec de l'argent dans une situation pareille. » Il aurait très bien pu lui dire, si on reprend notre thèse de Jérusalem à Jéricho, « Mais si t'étais resté à Jérusalem, tu serais près de Dieu. Là, tu t'es mis dans le beau drap, mon gars. » Et vous savez qu'on fait souvent la leçon comme ça. Il suffit de relire le livre de Job. Hein, les amis de Job, si t'es dans cette situation, c'est que t'as vraiment un problème, mon gars. Et nous sommes très doués pour être des donneurs de leçons, dans ce sens. Alors que quelquefois, il faut simplement aimer. Aimer, c'est savoir donner sa place, adopter celle de l'autre. Aimer, c'est faire pour le prochain ce dont il a besoin à court terme et à long terme. Et c'est ce que cet homme a fait. Jésus n'a prononcé, vous le remarquez, aucun jugement contre le Lévite et contre le prêtre. Mais il n'a pas parlé non plus, et ça c'est une erreur dans nos Bibles, du bon Samaritain. Bon, vous me direz, c'est les titres dans nos Bibles qui ne sont pas spécifiquement inspirés, ceux-là. Hein. Mais il parle du Samaritain. C'est un croyant comme un autre. Et moi, ça m'encourage. Parce que pour servir Dieu, on n'a pas besoin d'être des super-héros, ou des super-nanas, ou des super-nannies. Hein, mettez tout ce que vous voulez. Hein. C'est-à-dire que l'on va gagner des espèces de diplômes pour se préparer. Tout à l'heure, il y a notre sœur qui va passer par les eaux du baptême. Moi, j'ai vu des gens dans mon ministère qui disent « Je ne suis pas encore prêt pour le baptême. » Le problème, c'est qu'ils ne seront jamais prêts pour le baptême. Ou il y en a qui ne seront jamais prêts pour servir dans l'Église, parce qu'ils vont prier pour que d'autres puissent servir le Seigneur dans l'Église. Mais vous savez, s'il y a des gens qui ne sont jamais partis en mission, on ne serait sans doute pas là les uns et les autres. Alors, soyons conscients que Jésus nous demande d'être le prochain. Et puis Jésus opère un renversement spectaculaire. Pour Jésus, qui est le prochain ? c'est pas le blessé qui est là au sol, c'est le Samaritain. Et combien Jésus aurait été sans doute content si ce docteur de la loi avait enfin répondu à la question « Mais qui a été le prochain de celui qui est tombé ?» Le Samaritain, le frère ou la sœur que je ne peux peut-être pas encadrer, celui avec qui j'ai des problèmes, parce que peut-être il prie comme ça, il chante comme ça, parce que peut-être il a toutes sortes de choses, et vous en connaissez comme moi, hein, des idées qu'on a sur les autres, nos schémas. Anne voulait épouser un grand blond aux yeux bleus. Je dirais, elle n'y a pas perdu au change ni au poids. Hein? Mais, vous voyez, on a tous ces idées-là. Et peut-être vous êtes vous, parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Vous dites, ça y est, moi je voudrais rencontrer un garçon comme ça. Un style, je ne sais pas comment. Bon, à mon époque, c'était Schwarzenegger, mais je crois que maintenant, il est peut-être un petit peu sur la pente descendante, lui. Mais je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a là comme type Allez les filles, Brad Pitt, voilà, Brad Pitt. Bon, il paraît qu'il est pris d'ailleurs avec Angelina Jolie, hein, bon. Mais voilà, et peut-être les gars, vous, c'est de représenter tel... Mais qu'est-ce que c'est ça? Ça passe. Qu'est-ce qui compte? C'est ce qui est là, ce qui est à l'intérieur. Vous savez, il y a une belle chanson, vous l'avez peut-être entendue, ça c'était de notre époque aussi, Henri Salvador, qui se mimait souvent et qui chantait une chanson, c'était « Avant d'épouser ta bergère, regarde sa mère ». Pour voir comment elle sera dans 20 ans. C'est vachement réaliste, ça. Et il faisait, bien sûr, la belle-mère, le marié, etc. Le problème, c'est quoi? C'est que Jésus est en train de dire, ne regarde pas, ne t'attache pas au premier regard. Vous savez, si Jésus s'attachait au premier regard sur nous, est-ce qu'il nous aurait pleinement aimés? Non, il a un amour inconditionnel. Il nous aime tel que nous sommes. Il prend le paquet complet. Et nous avons vécu ça avec Anne lorsque nous avons adopté nos deux dernières filles. Vous savez, quand vous adoptez quelqu'un, quand on vous présente un enfant en vous disant « Maintenant, il est à toi. » Il y a son histoire. Mais il est à toi maintenant. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Le Seigneur nous prend comme nous sommes. Oh, bien sûr, il attend que nous puissions aller de progrès en progrès. Il attend que nous puissions l'aimer davantage. Il attend que nous grandissions. Mais il n'attend pas que nous devenions des gens meilleurs pour pouvoir nous aimer. Parce qu'à mon avis, il aurait encore un certain nombre d'années à attendre. Et quand nous avons pris ces enfants que nous avons adoptés, d'un seul coup, ce n'était plus l'enfant de n'importe qui. Ça devenait notre fille. Et elles sont nos filles au même titre que nos deux enfants aînés. Et c'est ça le prochain. C'est de se laisser interpeller par celui qui est à côté de moi. Et le problème, c'est qu'en fin de compte, je pense que Jésus a dû être triste de la réponse de ce docteur de la loi. Parce que je crois qu'il n'a pas compris pleinement ce que Jésus voulait lui faire prendre conscience. Mais alors nous maintenant, parce que nous vivons dans un monde bien concret, bien réel, nous allons redescendre dans la vallée ce soir. Demain, nous allons retrouver nos prochains. Hein, ceux qui sont, et vous le savez, vous en avez sans doute, des listes. Comment faire? Oh, vous n'allez pas commencer ou espérer qu'il va se faire taper dessus pour pouvoir aller le soigner. Hein. Ne priez pas dans ce sens, hein, je n'ai pas dit ça. Mais peut-être approchez-vous de l'autre. Il me semble que ce que le Seigneur fait avec nous, nous devrions le faire avec les autres. Le Seigneur m'a pris tel que j'étais. Vous, vous ne savez pas ce que je suis. Des fois, peut-être, je ne le sais même pas moi-même jusqu'au plus profond. Hein. Mais lui, il sait tout. Hier, il a regardé ce qu'il y avait dans le ventre de mon petit ordinateur, là, et il a réussi à lui faire sortir ce qu'il y avait dans le ventre. Comment, pourquoi, je ne sais pas. Mais je l'admirais parce qu'il tapait des tas de trucs. Ouais, c'est bien, il n'y a rien. Paf, tout d'un coup, c'est arrivé. Ça, c'est Jésus qui fait ça avec nous. Il nous connaît. Enfin, c'était une image. Mais Jésus nous connaît. Pourquoi? Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Parce qu'il est mort pour nous. Et qu'est-ce qu'il veut que nous fassions? Que nous nous approchions les uns des autres. Et moi, je trouve tellement beau cet exemple qu'il nous a laissé dans l'Écriture, de prendre soin de l'autre. Et l'autre va nous déranger, parce qu'il risque de déranger notre emploi du temps, il risque de déranger nos habitudes, Il risque de nous déranger dans notre train-train quotidien. Mais Jésus s'est laissé déranger pour nous. De fils de Dieu qu'il était, il a accepté de venir sur la terre. Il était toujours Dieu sur la terre, mais il était aussi pleinement homme. Et il a accepté la souffrance pour que nous puissions accepter son amour. Alors moi j'aimerais, c'est ma prière, pour chacun d'entre nous. Et vous savez, c'est bien parce que je peux vous le dire parce qu'après je m'en vais. Donc, mais vous allez continuer à vivre ensemble. Vous allez continuer à être le prochain de votre prochain. Vous allez continuer à vous asseoir ensemble à l'église, les uns à côté des autres. Et vous aurez sans doute des problèmes, des tensions, des difficultés, toutes sortes de choses. Vous avez peut-être même déjà commencé un certain travail que nous sommes tellement doués à faire, ça s'appelle l'autodestruction des serviteurs de Dieu ou des responsables de l'église. Vous savez, ceux où on pense qu'ils sont, ils font jamais assez bien, ils font jamais assez. Ou, tiens, il s'est engagé celui-là dans le conseil de l'église. Peut-être qu'ils n'ont pas fait le bon choix. Peut-être que moi, j'aurais pas été mieux que lui. Ou je ne sais pas. Nous risquons de vivre ce genre de choses. Parce qu'il y en a un qui veut absolument faire comme ce qu'il a fait avec ce sacrificateur et ce lévite. Ne pas considérer l'autre comme mon prochain. Et l'église, c'est quoi? C'est la famille de Dieu. Et nous devrons apprendre à prier les uns pour les autres. Apprendre à passer un petit coup de fil, à nous téléphoner, à nous encourager. Et apprendre aussi à ce que notre église soit une église ouverte. Et que quand quelqu'un passera le seuil de l'église, sans même nous entendre parler, qu'il s'y sente bien. Et qu'il voit que le Christ est là. Et ainsi, le prochain n'existe pas sans moi. Tu es le reflet de Dieu dans ma vie. Comme je peux l'être pour toi. Je n'aurai de prochain que si je deviens le prochain d'autrui. Et je n'en trouverai jamais si je n'accepte pas de devenir ton prochain. Et être le prochain l'un de l'autre dans l'église, c'est aussi accepter peut-être de s'encourager, de se reprendre, d'avancer pour le Seigneur. Mais alors peut-être qu'il y a un certain nombre parmi nous qui se croit propre juste. Parce que le docteur de la loi, quand il est venu, il voulait faire quelque chose. Et il y en a peut-être un certain nombre parmi nous qui disent, mais écoute, non, moi ça va, je n'ai pas trop de problème avec la loi de Dieu. Est-ce que peut-être il n'y aurait pas là, ce matin, de s'arrêter et de dire à Dieu, mais est-ce que je suis réellement dans les clous vis-à-vis de toi? Est-ce que réellement je peux être pleinement et totalement le prochain de celui qui est à côté de moi, devant moi, derrière moi? Ou peut-être que quelqu'un ou quelques-uns n'ont jamais entendu parler ou n'ont jamais accepté le Christ. Et pour moi, je crois que je ne serais pas complet si je ne vous disais pas aussi ce matin, mais arrêtez. Arrêtez de chercher midi à 14h. Oh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir. Mais la foi est la solution au problème de l'éternité. Et peut-être que vous vous posez la question et que vous l'avez déjà posée à Jésus. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus veut te dire simplement ce matin, accepte-moi. Accepte-moi et fais de ta vie ce que je voudrais qu'elle soit. Alors, je pense que dans un texte comme celui-ci, on ne peut pas rester insensible, d'une part, à ce que nous devons vivre en tant que croyants, mais aussi si nous n'avons pas encore accepté le Christ, ou plutôt si nous avons une acceptation du Christ qui est peut-être familiale, qui est peut-être traditionnelle. Parce que mes parents m'ont emmené à l'église évangélique depuis que je suis tout petit, je suis tombé dedans quand j'étais tout jeune, mais ce n'est pas ma foi. C'est la foi. Et le problème, c'est que le Seigneur n'a pas de petits-enfants, il n'a que des enfants. Ça vaut peut-être la peine de réfléchir en se posant la question, et ma vie? Qu'est-ce que je veux qu'elle soit? Et le Seigneur veut être en direct avec chacun d'entre nous. Et il me semble que nous devons réellement bien penser à une chose, c'est que Jésus est devenu mon prochain. Lorsque Jésus s'est fait homme, qu'il a côtoyé pendant 3 ans et demi ses disciples, pendant 33 ans les hommes avec lesquels il a vécu, il était le prochain de tout cela. Et d'ailleurs, vous remarquez que même une fois qu'il est sur la croix, alors qu'il va bientôt mourir, il dira encore à son Père de pardonner à tous ceux qui étaient là. Et non seulement cela, mais il va en plus confier sa mère à Jean. Et même après sa résurrection, il va rétablir Pierre, lui qui l'avait si lamentablement abandonné. Et Jésus est comme cela. Il a un espoir terrible dans chacun de nous. Et il veut, en étant notre prochain jour après jour, nous aider à progresser. Et Jésus nous donne en fin de compte la solution au problème. Elle se trouve dans le texte juste qui précède celui que nous avons médité ce matin. C'est Jésus qui fait venir les enfants et qui dit simplement à tous ceux qui les entourent, « Heureux, les yeux qui voient ce que vous voyez. » Et « Heureux ceux qui acceptent l'Évangile comme un enfant peut accepter. Oh, » pas sans réfléchir. Parce que moi, je suis de plus en plus convaincu que l'Évangile tient la route. Que intellectuellement, ça marche. Mais simplement de pouvoir dire, écoute Seigneur, tu as été celui qui est mort pour moi, je veux maintenant devenir ton prochain. Sois mon prochain. Et que nous puissions ensemble nous réjouir de ce que l'Évangile continue à progresser. Nous nous en allons, vous restez. Ton prochain, il est à côté de toi. Et peut-être tu as besoin de dire à l'un ou l'autre, pardon, parce que je ne t'ai pas considéré comme mon prochain. Ou peut-être on a besoin de dire, prendre un coup de téléphone et de rétablir une relation avec l'un ou l'autre. Peut-être avec des parents, avec des enfants. Peut-être qu'on a besoin simplement de prendre un peu de silence et de se replacer devant Dieu en disant, Seigneur, écoute, j'ai agi lamentablement dans telle ou telle situation. Alors aide-moi. Alors que Dieu nous aide. Et je vous propose simplement que nous puissions terminer dans la prière et que nous puissions réfléchir à ce que nous avons entendu, oh, qui sont des paroles d'hommes, mais retenez l'essentiel, l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous et ce que Dieu veut faire. Donc je vous propose que nous puissions courber nos têtes et nous placer devant le Seigneur. Seigneur, tu es venu pour que nous puissions comprendre ton plan d'amour. Merci. Parce que tu t'es révélé à nous. Merci pour ta parole qui nous le dit. Merci pour tous ceux qui nous ont encouragés tout au long de notre vie à aller de l'avant. Donne-nous, Seigneur, d'ouvrir les yeux et de voir celui ou celle qui est à côté de nous, qui a besoin de toi. Peut-être qu'il y en a parmi nous qui ont besoin ce matin de simplement te dire, Seigneur, rentre dans ma vie. Je veux t'accepter comme mon sauveur. Je ne veux plus marcher par moi-même, mais te faire confiance. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin de repartir avec toi et qui ont besoin de régler un certain nombre de choses. Peut-être qu'il y en a parmi nous qui ont besoin de s'engager par le baptême et de t'obéir dans ce sens. Peut-être que d'autres ont besoin d'avoir une direction dans leur vie et peut-être ont besoin de te servir complètement. Seigneur, tu connais toi-même la situation de nos cœurs et on veut simplement te demander, aide-nous, nous t'en prions et que ton nom soit glorifié dans le beau nom de Jésus. Amen. Et puis juste pour conclure, vous savez quel a été le message de Jésus-Christ à ses disciples? Ayez de l'amour les uns pour les autres. À tous ceux-ci connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. On aura beau avoir toutes les Bibles que l'on veut, toutes les prédications que l'on veut, toutes les choses que l'on veut, s'il n'y a pas l'amour au sein du peuple de Dieu, il manquera quelque chose. Donc que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide, parce que Dieu vous aime, et donnez-vous l'amour. Donnons-nous l'amour les uns pour les autres. Et ce qui est formidable, c'est que cet amour ne périt jamais. Alors que Dieu vous aide. Amen.